Passe-moi le micro, je suis ni sa mère. J'en place une pour mon frère PMR. Mon cerveau tourne à l'envers. C'est pour mes frères sur le terre-terre. Passe-moi le micro, je suis ni sa mère. J'en place une pour mon frère PMR. Mon cerveau tourne à l'envers. Rap sec, toi fais pas chaud à faire des culs secs. J't'encule à sec, tu sais pas ce qui se passe dans ma tête. Ouais, ouais, meurs, tu prêt à commettre, rien à foutre de la comète. Ta peine, wesh, qu'est-ce qui se passe sans stress, sans strass. T'as reconnu qui c'est qui rappe, c'est pour les mecs de Nanterre jusqu'à Trappe. Amdex, si j't'attrape, j'te fais le coup de la cravate, sale bâtard. J'suis qu'un zonard qui met des cocards. Un rot, pas un coquère, trop vulgaire pour pouvoir me présenter à ta mère. J'suis sévère, mon flow va te mettre à l'aise. Ouais, sur le mic, j'suis trop balèze. J'te jette du haut d'une falaise. Fais aux frères qui mettent des merguez. C'est la merde du 92 jusqu'au 13. J'suis chaud comme la braise. Tu sais quoi, j'te baisse. Fallait bien que ça arrive. Ferme ta gueule et remplis le baril. Quoi qu'il arrive, j'serai toujours là pour vous qui. Passe-moi le micro, j'suis nique sa mère. J'en place une pour mon frère PMR. Mon cerveau tourne à l'envers. Ouais, c'est pour mes frères sur le terre-terre. Passe-moi le micro, j'suis nique sa mère. J'en place une pour mon frère PMR. Mon cerveau tourne à l'envers. Dirais-je commence la guerre contre cette politique de deux merdes. Demande-toi pourquoi y'a autant de gangsters qui vendent des barrettes bien visères, frère. À cause de Sarko, à cause du MNRP, à mon frère PMR, t'inquiète, je gère. Mon blaze, viens pas me blaser. 992 marqué sur blason. On veut tous le bifton. Nick François Fillon, anti-pédo, anti-Sarko. Parfois je rêve d'être un richou. Mais comment veux-tu faire face à des cons, des ripous? Un coup, c'est nous les voyous. Il nous faut des sous, alors n'hésite pas à en faire les 400. Coup haute scène, y'a que des braves gars. Ouais, y'en a qui bragar. Ouais, que des mecs au car plat. Ouais, pour mes frères, ça fait pas bah. Trop tard, vous êtes trop bavards. Bande de bâtards, trop var, zonard qui sort le soir tard. Ouais, passe-moi le micro, j'suis nique sa mère. Bah, j'en place une pour mon frère PMR. Bah, mon cerveau tourne à l'envers. Ouais, c'est pour mes frères sur le terre-terre. Bah, passe-moi le micro, j'suis nique sa mère. J'en place une pour mon frère PMR. Bah, mon cerveau tourne à l'envers. Passe-moi le micro, j'suis nique sa mère. Bah, j'en place une pour mon frère PMR. Ouais, mon cerveau tourne à l'envers. C'est pour mes frères sur le terre-terre. Bah, passe-moi le micro, j'suis nique sa mère. Bah, j'en place une pour mon frère PMR. Ouais, mon cerveau tourne à l'envers. Bah.